Que Dieu vous bénisse. Avant de pouvoir prier, même lire la sainte parole de Dieu, j'aimerais vous demander pardon pour ce grand retard de ce soir. Dû à deux bouchons sur mon parcours en revenant de ce côté, j'étais du côté de Siangou. Ah, il se fait quand même le message que j'ai envoyé à l'un de nos huissiers pour vous dire de persévérer dans la prière, que j'arrivais quand même. Le message n'a pas été vu. Alors je suis vraiment désolé. Vous soyez tenu en suspense comme cela. M'avez-vous pardonné? Nous allons dire quelque chose parce que la parole était déjà prévue et dans le temps qui nous reste. Veillons nous lever pour la prière. L'amour de Dieu est telle saison que langue ou plume ne peuvent les dire où il va plus loin que la plus haute étoile et la terre. Bas enfer, ô coupable, sur les fardeaux, chantons que donne à son fils, pour vaincre, il réconcilia son fils est bon. Lui pardonne son péché, l'amour divin, son bien riche pour bien-aimé, notre Père Céleste, nous te demandons de nous pardonner pour tous ces gros désagréments connus à la réunion de ce soir. Il y a eu cette perturbation de la réunion avec mon arrivée tardive et la difficulté de communication. Seigneur, tu as tout vu. Nous ne pouvons rien expliquer, car tu sais tout. Je suis coupable. Père, pardonne-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisse le Saint-Esprit revenir à nous. Revenir au milieu de nous. Traiter avec nous. Parce que sans lui vraiment, nous ne voyons pas pourquoi être rassemblés. Ta présence, Seigneur, est pour nous indispensable. Nous implorons ta miséricorde par le sang de Jésus-Christ, toi qui as tout vu du déroulement de cet après-midi. Pardonne-nous, Seigneur, et conduis les moments qui nous restent dans notre horaire ici, à être utile pour tes enfants, et que notre soirée ne soit pas totalement perdue, mais qu'elle soit gagnée pour ta gloire. Tu as promis que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Par quoi tes murs de vivre par Eïsen. Ma Père, prends chaque brebis dans ta main. Fortifie celle qui est faible. Guéris celles qui sont malades. Pense les plaies de celles qui sont blessées. Et relève la force de chacun de nous. Communie avec nous au travers de l'Évangile. Et que la parole fasse du bien à nos âmes. Donne-nous la victoire, car nous sommes ici pour combattre. Chaque pouce de terrain, nous voulons le récupérer. Chaque minute, chaque seconde, nous voulons le récupérer. Reste avec nous, Seigneur, dans la douceur du Saint-Esprit, qui se manifeste dans la simplicité, et par le sang rédempteur de Jésus-Christ, Emmanuel notre Dieu. Nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire dans les psaumes 34. Psaumes 34. Verset 4. Alors, 6. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Amen. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez. Combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Kembisa yawe esika moko nangai. Tokumisa kombo na ye elongo. Nalukaki yawe mpe ye ayambaki ngai. Abikisi ngai na nsomo na ngai nyonso. Bato batali epai na ye mpe bazwi etengo. Bilongi na bango e si pami katolikike. Mobola oyo akobelela kampe yawe akoyokaka ye. Abikisaki ye na mpasi na ye nyonso. Mwanje na yawe akozingelaka esika na baoyo bakotosaka ye. Mpe akobikisa bango. Ne kampe sosola ete yawe azali malamu. Esengo ezali na moto oyo akolukaka ekimelo na ye epai na ye. Bino barenge beni na ye, bangande yawe. Nzambi, ba oye bakotosa kaye, bakozangaka, etakwate. Hébreux, chapitre 1er, le verset 13 et 14. Ba ebele o mokapo ya yambo mulongo, mulongo ya zo, na misati peso mina mine. Hébreux 1, verset 13 et 14. Ba ebele o mokapo ya yambo mulongo ya zo, na misati peso mina mine. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi, à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire Bange nyonso bazali milimu na mosala bakotinda makampo na kosalela kaba oyo balingi kozwa libula na lipiko boyete. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous n'avons que quelques minutes, bien fort heureusement ou malheureusement selon ce que vous allez considérer. Échanger autour du pain de vie. Il n'y a pas de choix. Et donc, monsieur, vous savez, le centenier romain a eu une fois à dire au Seigneur Jésus-Christ, qui était disposé à aller jusque chez lui pour s'occuper du cas qui était en requête. Mukolo abongisama kete kende kino nanda kona ye pwete akenda kokuta na likambo ba sengera kiye. Le centenaire lui a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Kasi mokonzi na mokamara basoda lobi ete na bongisa pwete yo kota nanda kona ngai. Il dit, dis seulement un mot. Alobi bobele te lo batan lo bamoko. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Momo nangai akobiki sama. Un seul mot peut faire beaucoup de choses. Lo batan boko esu kosala mingi. Un seul mot venant de Dieu pour votre âme peut faire de grandes choses. Une seule phrase peut révolutionner toute une vie. Vous savez, cette femme-là qui était attrapée en flagrant délit d'adultère dans Jean au chapitre 8e. Tout le monde avait pris les pierres pour la lapider. Parce qu'au regard de la loi, elle était effectivement coupable. Elle a commis un péché ignoble. Et on l'a attrapé pendant qu'elle commettait ce péché. Elle ne pouvait pas nier ça. Alors chacun avait une grosse pierre. Et ils ont amené ce cas à Jésus pour l'éprouver. Alors, bon, au lieu de la lapider, Moïse nous a toujours appris ça et nous avons toujours fait ça. Voyons peut-être sur les femmes ce que lui va dire. L'intention était de surprendre le Seigneur pour qu'il dise, par exemple, oh, nos choses de Moïse sont dépassées. Ah, voilà, il est venu prêcher la rébellion contre Moïse. On doit l'assassiner. Il est abominable. Alors le Seigneur leur a dit, qui de vous n'a jamais péché? Il jette le premier la pierre. Juste une courte phrase comme ça. Même pas un paragraphe. Et puis il s'est incliné, il a commencé à écrire par terre. Il écrit, comme s'il n'était plus dans cette affaire-là. Il écrit sur la terre. Il fait qu'écrit. Il fait qu'écrit. Au bout d'un temps, il relève la tête. Il voit que la femme seule. Et lui-même est étonné. Oh. Où sont ceux qui étaient condamnés? La femme qui répond, ils sont tous partis. Alors, Jésus la regarde. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va. Mais ne pêche plus. C'est tout. Elle est répartie. Quelle prédication. Quelle drôle de prédication. Quelle façon de trancher un problème houleux. D'un péché mortel. Il n'a pas beaucoup parlé. Mais il a tranché. Il a renvoyé la femme. Moi aussi. Je ne te condamne pas. Mais va. Et ne pêche plus. C'est tout. Elle est partie. On n'apprend plus jamais qu'elle soit tombée en adultère. Même pas dans un acte similaire à l'adultère. Du genre fornication, impudicité, on l'a courtisé un peu par un homme là au coin de la rue, on n'apprend plus rien. Pourquoi? Parce que la rencontre avec le Seigneur était authentique. Si l'âme rencontre le Seigneur, quelle que soit la profondeur de péché dans laquelle elle était plongée, en Jésus se dégage une puissance vitale qui peut changer les péchés rouges que la moitié et les rendre plus blancs que la neige. Et ça, c'est une solution durable. Il ne le fait pas pour quelques semaines, il le fait pour toute l'éternité. Quand le Seigneur résout le problème de péché, ce n'est pas à refaire. C'est réglé et c'est fini. Comment prêcher Frère Branham? Donc lorsqu'il y a quelque chose qui vient de Dieu qui sont authentiques, et ce moment même se produit. Ou l'âme prédestinée rencontre son rédempteur, son sauveur, son consolateur, sa meilleure joie, sa raison d'être, sa raison de vivre. Les choses changent dans l'immédiat et pour l'éternité. Nous savons en qui nous avons cru. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Mes chers amis, ne pensez pas qu'en lisant ça, vous devez fournir mille et un efforts pour arriver à vous éloigner de l'iniquité. Parce que simplement vous invoquez le nom du Seigneur, mais vous êtes toujours prêché ici que l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut, est une œuvre entièrement divine. C'est Dieu qui est le sauveur des humains. Aucun homme ne peut se sauver soi-même. Aucun homme ne peut sauver son semblable. Un seul sang nous a couvert. C'est le nom de Jésus-Christ. Il est le sang de Dieu pour la vérité. Lui seul est le sauveur. Tous ceux qui voudront être sauvés. Si lui ne sauve pas, nul ne sera sauvé. Si Jésus ne te sauve pas, tu ne seras jamais sauvé. Si Jésus ne te délivre pas, tu ne seras jamais libre. Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La liberté réelle ne peut pas venir de vos efforts, ne peut pas venir de votre concentration personnelle, ne peut pas venir de visites et de frais ou de prières de l'église. La liberté réelle, ce ne sont pas les prières des hommes, mais c'est le Fils qui doit vous la donner. Quand lui vous affranchit, quand lui brise les chaînes, lorsqu'il brise les barrières, lorsqu'il décide de changer les choses, alors plus rien ne sera comme avant. Son œuvre est bien faite. Comme on dit ceux de son temps quand il était sur terre, voici, il fait tout à merveille. J'aime entendre savoir cela. Jésus-Christ, il fait tout à merveille. Il ne vous laisse pas tuer indéfiniment. Votre délivrance, c'est son affaire. Le changement de votre vie, c'est son affaire. Votre régénération, c'est son affaire. Tout ce que nous avons fait, c'est juste désirer cela ardemment. C'est de vouloir cela sincèrement. Il n'y a pas d'hypocrisie dans votre manière de le vouloir. Que ce soit une soif sincère. Et il a dit, heureux ceux qui ont faim et soif. La justice de Dieu. Car ceux-là, ils seront rassasiés. Donc, ton bon devoir, c'est d'avoir soif. Et d'avoir cette soif, tu es déjà béni. Que cette soif soit profonde et sincère. Si elle existe au-dedans de toi, la soif de la justice de Dieu, de la liberté spirituelle, de la délivrance sociale, de la victoire sur chaque péché, sur chaque tentation, que cette soif soit sincère. Le fait qu'il y ait une soif sincère, voilà déjà pour toi une bénédiction divine. Plusieurs existent sur la terre. Il est tiré de l'église en église. Mais il manque cette soif la sincère. Personne n'est hypocrite. Il perdit les temps, il est tard. Parce que tu as soif. C'est une soif réelle. Tu es béni. La Bible a dit que tu es béni. Les qui ont fait soif sont bénis. Vous êtes pas assez. Si vous êtes de ceux-là maintenant, soif de la justice. Il y a les choses justes que Dieu s'accomplissent dans la vie. Soif de la justice. Ils veulent que les choses justes de Dieu se produisent dans leur vie. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Oh, c'est vrai. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La promesse est infaillible, je le sais. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Tu ne peux pas avoir cette soif de toi-même. Et pour que la main de Dieu la déclenche. Toi, tu te laisses berner dans sa présence. Et tu crieras comme David d'autrefois. J'ai soif de Dieu. Du Dieu vivant. Oh, c'est vrai. Psaume 63. Le verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Voilà quelqu'un qui a une soif intense, mais cette soif ne s'est pas venue de lui-même, c'est Dieu qui l'a déclenché en lui. Et ici dans les psaumes 42, nous pouvons lire encore ceci, le verset 2 et 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Non pas seulement voir un Dieu et parler d'un Dieu, qu'il soit Dieu que de nom, qu'il soit Dieu que par histoire, mais mon âme à moi a soif de Dieu, mais du Dieu vivant. D'où viendrait une telle soif si vous n'êtes pas en contact avec ce Dieu-là? Qui vous fera comprendre au-dedans de vous que lui, il est le Dieu vivant. Les autres dieux sont des idoles, des dieux morts. Des êtres humains qui ont fabriqué des dieux par conception, par imagination. Ils ne sont pas dieux par nature. Mais il faut que quelque chose se déroule au-dedans de toi là. Une profondeur se déclenche pour t'apprendre qu'il existe Dieu et des dieux. Il y a des dieux et des dieux. Mais le Dieu que toi tu veux dans ta vie à toi, doit être le Dieu vivant, duquel vient la vie. Et qui vivifie tout ce qui l'approche, qui donne sa propre vie à ceux qui viennent près de lui. Un Dieu qui nous tire de la mort à la vie, qui nous sauve du péché et nous amène à la sainteté, qui change les détours de notre vie. Le témoignage est même notre réputation. Un Dieu aux yeux réels, un Dieu qui écoute la prière et qui répond, un Dieu qui combat nos ennemis, un Dieu qui fait taire nos adversaires, un Dieu qui renverse les obstacles propres, un Dieu qui chasse les maladies, un Dieu qui nous donne la réussite comme la parole. Qui répond présent quand nous l'appelons. un Dieu vivant. Duquel on peut dire encore comme David, avec ce Dieu, nous ferons des exploits. Parce qu'il est un Dieu vivant, avec ce Dieu, nous ferons des exploits. Lui, il est vivant, il éclatera nos ennemis. Écraser, l'adversité, l'inimitié, les ennemis, les récipients de la haine. Tous ceux qui contiennent assez de haine contre nous, qui n'ont pour science que de nous mépriser, de nous minimiser, mais Dieu est capable de les écraser. Dieu vivant peut faire ça. Et mon âme a soif d'un tel Dieu. Qu'il ne soit pas Dieu que des noms. Qu'il ne soit pas Dieu que par l'histoire. Par des choses qu'il avait fait dans la préhistoire. Et dans l'Antiquité. Mais je veux les effets présents. Les œuvres présentes. Les œuvres d'actualité. Les effets maintenant. Au cours de ma propre vie. Dans mon travail, dans ma famille, sur mon chemin, je veux voir ce Dieu-là. Produisant des exploits. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je me questionne. Alors on va que c'est 7-8. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. Depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéa, un flot appelle un autre flot au bruit de tes sons. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Partant de là, de ce verset 8, prévenant m'a prêché un sermon intitulé La profondeur appelle la profondeur. Quand une profondeur appelle, il doit y avoir une autre profondeur pour répondre à l'appel de la première profondeur. C'est un principe et une loi divine. Si ton cœur a soif du Dieu vivant, c'est que c'est une profondeur qui réclame le Dieu vivant. Si ton cœur a soif de la justice de Dieu, c'est que c'est une profondeur qui réclame la justice de Dieu. Si ton âme a faim de la justice de Dieu, c'est que là c'est une profondeur qui réclame la justice de Dieu. Avant même que tu en aies besoin, le Dieu vivant en question existe déjà. Avant que le besoin de lui n'existe, le Dieu vivant a existé avant ce besoin-là, avant cette soif-là. Et quand on commence à les réclamer, ne les nie pas, reconnaissant ce Dieu-là qui existe, viendra répondre à l'appel pour satisfaire au cri d'appel du cœur. La justice de Dieu, avant que tu en aies vivement besoin, parce qu'elle existait déjà. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que vous soyez rassurés que les choses dont vous avez besoin existent avant que le besoin ne naisse au-dedans de vous. Les choses que vous réclamez dans vos prières, sachez qu'avant même que vous puissiez les demander, ces choses-là existent déjà quelque part. Si pas dans le monde visible ici, elles existent dans la pensée du Créateur. Demandez avec foi, elles viendront à l'existence. Car la foi peut créer. La foi résout tout problème. Rien n'est impossible à la foi. Dans les Proverbes chapitre 27, nous trouvons écrit ceci au verset 19. Proverbes 27, verset 19. Oh, si je peux prendre d'abord le verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Dites-moi, quand on se met à soigner un figuier, c'est dans le vide? On a une attente. Tu t'attends quelque chose, non? Vous allez considérer que l'autre est comme du travail, c'est pas comme une peste à Moussa. Pour aller s'encler autour. Et quand tu regardes le figuier, il n'a rien. Il y a peut-être un jeune figuier comme ça. Il n'a que des petites feuilles vertes. Il n'a ni fleurs, ni fruits, ni épis. Mais c'est lui qui sait que c'est un figuier. C'est un arbre fruitier. Il ne va pas dire. Cet arbre n'a pas de fruit, je n'y fais rien. Kilaoum. La tête Kilaoum. Va travailler ce figuier-là. Même si au temps présent, tu ne vois rien. Mais il y a une profondeur dans le figuier. Il produira les figues. À la saison des dieux. À la saison du figuier. Au temps approprié. Il y a une profondeur qui existe dans le figuier. Il verra que les fruits se formeront au temps marqué. Il y a aussi une profondeur dans toi, les laboureurs. Il faut comprendre que cet arbre-là ne manquera pas de produire du fruit. Même si ta main ne peut pas toucher ce fruit. Même si tes yeux ne voient pas ce fruit-là. Mais il y a moi qui est persuadé. Et c'est parce que tu es persuadé que tu te mettras à labourer le figuier. Pour t'amarquer, le fruit paraîtra et j'en mangerai. Tu te mets à prier, tu pries, mais tu ne vois rien. Tu pries, tu pries, mais tu ne touches rien. Mais ça passe les mois et les années. On dirait que Dieu n'écoute pas. C'est le travail du laboureur. Tu ne prends pas tout dans l'immédiat. Tu peux prendre beaucoup de temps sans que rien ne se forme. Mais la qualité du laboureur, c'est d'être patient. D'être persuadé que ce que tu as fait comme travail ne sera jamais vain. Alors, celui qui soigne le figuier en mangera les fruits. Toi aussi qui entretiens les prières, tu en jouiras des résultats. Même si les moqueurs viennent commencer à dire, mais l'eau, non, ça ne va pas, ça ne va pas, rien. Faut qu'il paie ma moitié. Il y a pas que ça profondeur de la Kuna. Et ça, la Katikuna, parce que prière, on a exempté Yambouma. C'est un arbre fruitier. Ça marqué, les résultats viendront. Comme dans la maison de Corneille. L'ange est venu lui dire, l'Éternel a entendu ses prières. C'était après beaucoup de temps. Un jour, un ange te visitera. L'ange dit, je suis dit que l'ange de l'Éternel car pour tout récupérer. Et il est là, tu as tout danger. Que Dieu là existe jusqu'à présent. Santé, voyez et sentez combien le Seigneur est bon. C'est l'ordre que la Bible a donné. Voyez, sentez combien le Seigneur est bon. Mais capé, on fait ses raisons à Malobanzambe. Dieu n'a jamais tort. Entretiens les prières. Vous connaissez la parabole du juge unique, non? Dans le chapitre 18, c'est là. Vous la connaissez ici dans l'église. Jésus a donné cette parabole pour apprendre quoi ses disciples? Luc 18, verset 1. Dit quoi? Il leur adressa encore cette parabole. Pour leur montrer qu'il faut toujours et ne point se relâcher. Soigna quand j'étais na yoane bengami, babondeli. Mabondeli prière. The prayers. Prière. Entretenez ça. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. maïsa monyoso. Ata ezo botana no te. Yeba ete yo moto zo soane yengo, oko sepele nambu manango. C'est une loi infaillible. Vous allez me faire peur pour ça m'a fait. Prière sera exaucée. Parce que le Dieu de la Bible, il est celui qui veille et qui répond. Pas qu'un homme de la Bible, il y a un problème de l'impact pour péter bien. Il dit amen à la vérité. Le Dieu de notre Bible, il est celui qui veille et qui répond. Zambé, Bible, il y a un problème de l'impact pour péter bien. Assez-je la canne de la canne aïe. Amen. Assez-je la canne de la canne aïe. Ayano la gapena bosenga baye la kayi. C'est ça notre Dieu de la Bible. Il est celui qui veille et qui répond. Oui, oh, elle veut le peuple. Attaque au bosse une prière, il y a qu'au bosse un athée. On t'a marqué, il se fait la justice. A quoi pèse au Sénat. Attaque au bosse un athée. Il est tellement bon qu'il va te les donner. Voyez, celui qui soigne le figuier en mangera les fruits. Et celui qui garde son maître sera honoré. Il y a un maître comme le Jésus-Christ. Si tu fais ça, tu gardes ton maître, tu seras quoi? Mais yo kaka, baloté. Mon maître à moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je les garde toutes les années que vous me connaissez. Dans les bons et les mauvais jours. La voix du Seigneur m'appelle. Elle vient chez moi. Je réponds. Sauve fidèle. Mais voici. Je suis à toi. Jusqu'au bon, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pas, j'aurais rêvé. À toi j'ai, pour toujours, dans les bons et les mauvais jours, moi je vais le suivre. Garde ton maître, ne le renie jamais. Ne lui fais jamais honte. Et non seulement à l'église, l'honorera partout où tu seras. Même si tu ne seras que tout seul, dans une nuit sombre en forêt patoyante, il voudra l'honorer. Quelqu'un t'observe, quelqu'un te voit. Ngai naba ngi kosala masoro buto kombo na ngai esie ko mama ngai naba ngi Nabuku ya bomoy kombo na ngai esie ko mama na makila na pate kombo na ngai esie ko mama. Je me sais être un élu. Amen. Toi aussi, réfléchis pareillement. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Et celui qui garde son maître sera honoré. Garde ton maître. Bon, si ton maître c'est Satan, okay. Satan t'honore un jour. C'est là où il va t'honorer. Et si la repère sera le coup. En enfer. La liste. Mais ici qu'on mérite Pendalokumu et Bongi na misala ma bena masumu na yo, na ki soeki, ma masumu na ko batama, misala na mabe na ko. Omelakamasanga, libanda ya miso église et tout ça. Maître Nayo Bakouf, Mokozi Yamasanga, Oyelangu Isaka. Nzambe Osambelaka wana Bakouf, cette idole là. Yende ako honore yo. Wapi, la lipelo. Loba amen. Yo buto lobe amen omelakamasanga. Omani maka mwabete kwa sa l'église. Okomi Gidiba. Nous adressons au DJ. Vous savez qu'on a fait la balance. Amen, non, c'est là qu'on le baga, amen, dit. Vous pouvez le baga, Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dites amen. Amen. Est-ce que vous avez un homme à vous dire Vous avez un homme à vous dire. Garde ton maître. Amen. Si ton maître est un péché, c'est celui-là qui va t'honorer. Tu vas graisser les dents et crier. Au secours de mon secours ne viendra. Maître Nayo le Soumou, à quel groupe Yayo Motole. Quel est votre ne foutez pas Maître Nayo Masoumou, dans l'incrédulité. Toi, garde ton bon maître. Jésus-Christ est le bon berger, il est le bon maître. Veux-tu t'honorer? Tu honores ceux qui l'honorent. C'est vrai. Au verset 19, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Profondeur, qui répond à la profondeur. Awapé, même dans Katamaï, attends, tu es mis pour venir à Ibali. Attends, nous allons chasser. Parle dans Katamaï. Et l'on y a copé, c'est Yano, na Elon. Mbouzou na? Mbouzou. Profondeur na? Profondeur. Soif na? Soif. C'est une loi infaillible. Vous allez me mettre à la poche, ça m'a caté. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ce que tu pries, tu demandes à Dieu avec foi du cœur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Matthieu 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que et vous le verrez. Le cœur répond au cœur. Oui, Le cœur de l'homme répond à quoi? L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. L'incrédulité n'arrête que l'incrédule et les met dans son bâton. Dieu avance avec ceux qui croient. Ne te rends pas malheureux, malheureuse toi-même. À cause du méchant cœur que tu as. Incapable de croire Dieu. Incapable de croire les promesses de Dieu. Incapable de prendre ça pour lui-même. Même ta propre prière, tu ne crois même pas. Soyons sérieux. Vous aimez La profondeur appelle la profondeur. Quand ça réclame là-bas, il doit y avoir une réponse. Mais son cœur doit avoir une position de foi. Il doit être convaincu. Car la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, doit d'abord croire que Dieu existe. Et de deux, c'est ce Dieu-là qui existe. Et il est le Dieu nous l'avons dit ce soir. Il est le générateur de ce que les cherchent. Baluka Nzambe n'a pas maté. Olukiye akokutayo. Osalamuke tomunene. Olukiye akokutayo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe a pas bénisse. C'est nous de pour la prière. Miséricorde insondable, Jésus, Dieu, fais-le tout pardonner. Et absorber à tous ces grands coupables. Tel que je suis, apprends-moi, Jésus, je viens, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Oh Jésus, je viens, je viens à toi. Tel que je suis, attendrissons nos cœurs devant Dieu. Parlons-lui avec sincérité. Il n'aime pas l'hypocrisie, notre Dieu. Il ne veut pas qu'aucun de nous garde un cœur méchant. Un cœur incrédule et mauvais. Dieu veut le cœur de chair. Le cœur flexible devant sa vérité. Le cœur qui se donne, qui se consacre. Qui s'abandonne tout entier à lui. Donne-lui ton cœur. Prions chacun. enlevé. Pour le ciel, pour le ciel, je suis en vous. Je viens à toi, que je suis dans l'hypocrisie. Vous êtes dans faux semblant, dans faux modestie, et avec l'humilité du cœur, tel que je suis, Abraham. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi la source de vie éternelle, toi la lumière véritable pour les croyants, toi la réponse convenable à nos besoins, la solution à tout problème, toi le vivant au siècle des siècles, Dieu d'éternité, que ton nom soit adoré, que ce nom soit sanctifié, que soit élevé dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons vivre tes exploits. Tu es le Dieu de profondeur. Tu es la source de notre soif. Tu es celui qui répond à ces profondeurs. Tu es le seul capable de déclencher la soif de nos âmes. Prends chaque main que ta main pour manifester la réponse à la profondeur de la profondeur. Maman, ça vient d'être dit. Que ces trésors se trouvent place dans nos cœurs. Ôte toute méchanceté dans nos cœurs. Ôte toute incrédulité dans nos cœurs. La foi réelle, c'est toi qui suscites la foi, Seigneur. Mais la foi réelle en chacun de nous, une foi que tu vas agréer, tu agrées nos prières, tu connais les besoins profonds de nos cœurs, exauce chacun de nous, honore ta parole, honore ce qui t'honore, et satisfait nos cœurs, dans la soif de justice, que ton ange campe autour de ce qui te craignent, selon ton commerce, et les arrache à tout danger. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons à la partie terminale de ce service divin. Que Dieu vous bénisse.